des sombrés, couverts de dettes ciblées. Redemander les budgets, additionner les entrées, apprendre enfin à compter sans délocaliser. Pour faire front au fisc, avoir un paquet d'idées, sans prendre trop gros risques, sans se faire opérer. Des entames de procès faussés, de moindres frais facturés. À l'audit on dit qu'on sait, sans savoir ce qu'on fait. J'ai joué au chat. J'ai joué au chat. Alors on va chercher, alors on va trouver. Politiquement déplacé, sans aucun droit réservé. Dans des jurisprudences, en espérant de la chance. Un système bien huilé peut parfois dérailler. J'ai joué au chat. J'ai joué au chat. D'un banquier, retarder l'échéance, continuer l'avance.